Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous Naturopathie. La prise de la pilule sur une période plus ou moins longue peut générer de l'accoutumance pour le corps. Ainsi, il n'est pas rare que l'on puisse voir apparaître quelques effets indésirables suite à l'arrêt de la pilule. Mais le saviez-vous, la naturopathie peut aider à cette transition et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment accompagner l'arrêt de la pilule avec la naturopathie grâce à Mélissa Parrain, ici avec nous. Mélissa Parrain, tu es naturopathe, c'est bien ça, professeure de yoga. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Eh bien, commençons tout de suite par la première question. Pour mieux comprendre le sujet, quels effets provoque l'arrêt de la pilule sur le corps ? Bah, comme tu l'as dit, c'est un effet d'accoutumance, c'est-à-dire que si on prend la pilule depuis pas mal d'années, donc entre, ça peut être quelques années à plusieurs années, bah, pendant cette période-là, le corps s'est habitué à recevoir naturellement des hormones. Donc il est devenu un petit peu feignant et en fait il ne fabrique plus lui-même ses hormones. Donc lorsqu'on arrête la pilule, ce qui se passe c'est que le corps doit reproduire des œstrogènes, reproduire de la progestérone, refaire une ovulation, reprovoquer des règles naturellement. Et tout ça, ben, en fait, il n'a plus trop l'habitude de le faire. Et ça peut créer cet effet un petit peu boomerang avec des effets qui reviennent, des symptômes, des petites problématiques, on va en parler je pense aussi après, qui font que ben, forcément l'arrêt de la pilule ne peut pas toujours être... Parfois, elle se passe très bien et parfois, il peut y avoir quelques symptômes ou des effets secondaires qui reviennent après. Tout simplement parce qu'il y a un changement hormonal. Si on donne à un moment donné à notre corps plein d'hormones et tout d'un coup, bah, il arrête, on ne lui donne plus ses hormones, lui, il ne sait pas quoi faire en fait. C'est comme si, je donne souvent cette image, vous êtes chez vos parents, vous avez à manger tous les midis, vous avez le ménage qui est fait tout le temps et tout d'un coup, bah, vous vivez tout seul. Bah, vous ne savez pas comment faire au début. Donc ça prend un peu de temps et c'est un changement hormonal où le corps doit se réhabituer à faire ce travail qu'il ne faisait plus pendant des années. Et quels sont les principaux symptômes, justement ? Alors justement, alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas systématique. Encore une fois, il faut rassurer là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez de l'acné avant que vous allez retrouver de l'acné après. Surtout si ça fait 10 ans que vous avez pris la pilule, votre corps il a changé, votre mode de vie il a changé, votre stress n'est plus le même. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Donc, ce n'est pas parce que vous avez de l'acné avant que vous allez en réavoir. Par contre, ce qui est vrai, c'est que bah, voilà, faut qu'un petit temps d'adaptation pour le corps. Donc, il peut y avoir déjà une absence de règles. Une absence d'ovulation, des règles qui vont totalement être irrégulières, des règles qui peuvent être douloureuses avec des forts syndromes prémenstruels, des cycles qui vont être plus longs, de l'acné qui peut effectivement revenir ou apparaître. Il peut y avoir des pertes de cheveux intenses, une sensibilité qui peut être plus là au niveau émotionnel, une fragilité émotionnelle qui peut être apparente, une variation de poids, un gain ou une perte. Voilà, plusieurs choses, avoir plus les extrémités qui deviennent plus froides, par exemple, également. Voilà, il y a plein de petits symptômes comme ça, effectivement, qui peuvent réapparaître. Après, il faut savoir aussi que l'arrêt de la pilule va vous libérer de tous les effets secondaires de la pilule. Et les effets secondaires de la pilule, c'est quoi ? C'est une baisse de la libido, une dépression, une irritabilité, des troubles circulatoires avec des varices régulières, dégonflement, voilà, une prise de poids également, plein de choses également comme ça, que vous allez pouvoir bah, forcément vous en libérer aussi. Et donc, il peut y avoir effectivement des effets, c'est même pas des effets secondaires, des symptômes parce que le corps se manifeste à nouveau. Puisque ce qui s'est passé quand vous avez pris la pilule, surtout dans le cas par exemple d'acné, qui est le cas un peu classique, on a de l'acné, donc on met sous pilule. En fait, on met juste le problème sous le tapis. On empêche le corps de se manifester, de dire ce qu'il a besoin de dire. Et donc, en fait, on met le problème sous le tapis. Puis tout d'un coup, bah, en fait, on enlève le tapis. Donc là, c'est l'effet rebond, exactement, cet effet boomerang. Mais encore une fois, qui n'est pas systématique. C'est chez certaines personnes, ça va très bien se passer. Et si l'hygiène de vie a été améliorée, parfois, il ne se passe rien et tout se passe dans l'ordre des choses normales. Très bien. Alors, qu'est-ce que peut apporter la naturopathie dans ce cas-là ? Bah déjà, la naturopathie, elle va, je pense, accompagner et du coup soulager, en tout cas apaiser les peurs qu'on pourrait avoir de l'arrêt de la pilule. Elle va être un soutien et donc c'est bien de se faire accompagner dans un changement qui peut forcément avoir des impacts dans le corps. Mais comme c'est bien de se faire accompagner quand on commence à prendre la pilule et qu'on surveille, bah, est-ce qu'on fait une prise de sang au bout de quelques mois, un an, pour vérifier qu'il n'y a pas voilà, des variations aussi au niveau hormonal, au niveau sanguin, au niveau s'il n'y a pas d'anémie ou des choses comme ça. Donc déjà, on va venir accompagner dans ce changement pour le corps physique et émotionnel et on va voilà, effectivement répondre aux questions qu'il pourrait avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire plusieurs choses. On va mettre en place un protocole pour savoir comment on arrête la pilule. Puisqu'il y a plusieurs stratégies, il y a l'arrêt tout de suite violent, je finis mes règles et après que mes règles sont finies, je ne reprends plus la pilule. Il peut y avoir aussi on va petit à petit arrêter, un jour sur deux, on prend la pilule. Voilà, il y a plusieurs techniques qu'on peut faire. Donc, quel protocole on va mettre en place? Faire une prise de sang, parce que même sous pilule, on peut avoir des changements hormonaux, donc voir s'il n'y a pas des anémies, voir s'il n'y a pas eu déjà des troubles hormonaux qui sont apparus. Peut-être qu'on prendre des compléments alimentaires si besoin, dans le cas où il y aurait des problématiques. On va aussi aider dans la gestion du stress, aider peut-être dans l'alimentation pour que tout se passe bien, et surtout on va soutenir le foie, puisque c'est le foie qui va devoir éliminer toutes ces hormones qu'on a pris pendant des années, et donc on va venir vraiment le soutenir dans cette phase où on arrête la pilule. D'accord. Et dans le cadre d'une consultation, ça se passe comment? En fait, on vient te consulter pour l'arrêt de la pilule. Ça va se passer comme une consultation classique, dans le sens où je ne vais pas m'arrêter à la préoccupation ou le symptôme. On va essayer de voir la big picture. Donc, on va essayer de comprendre l'individu vraiment, comment il vit, son rythme de vie. Parce que si on s'arrête juste aux symptômes, là, on fait de l'allopathie et on met un pansement sur la problématique. On va vraiment essayer de comprendre pour être sûr que voilà, est-ce qu'il y a eu des dérèglements, l'analyse sanguine effectivement, mais vraiment c'est comme une consultation classique. Alors oui, il y aura peut-être des choses, on va cibler comme je l'ai dit sur comment on arrête, le protocole qu'on met en place, mais grosso modo, ça va être une consultation normale où je vais m'intéresser à l'individu dans sa globalité comme je pourrais faire sur n'importe quel cas. D'accord, merci beaucoup Mélissa Parrain. Donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner justement par une naturopathe pour effectuer cette transition en douceur pour vous, pour votre corps. Mélissa, tu proposes, c'est ça, des consultations. Comment peut-on t'en consulter? On peut me consulter sur mon site internet qui est kisslab.fr, avec mon compte Instagram également. Et je fais des consultations à la fois à domicile, en Zoom ou dans certains cabinets. Il y a toutes les infos sur mon site. Et bien sûr, on ajoutera toutes les informations également dans le descriptif de cette vidéo. Mélissa Parrain, merci. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.